en ciel, beauté, enfin me flasher, bébé. Pourtant, moi, essayer, résister. Parce que moi, ça me donne nous jamais. Moi, j'ai avoué quand même que moi, donc, j'ai moyen. Thank you.